renouvelé sa bonté ce matin encore, Néhémie. Seigneur, tu es digne d'être élevé, d'être reconnu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu as vaincu et nous nous vaincrons. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix où tu as tout accompli, tu as tout achevé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Aujourd'hui, nous avons accès auprès du Père, au travers du voile, car à la croix, tu as transporté nos iniquités, nos péchés, nos maladies, nos misères, et tu nous as remplacés afin que nous puissions accéder à ton ciel ouvert. À Golgotha, tu as ouvert le ciel pour l'humanité. Et cette semaine, viens Seigneur et ouvre ton ciel pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, nous soumettons toutes choses à l'obéissance à Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est roi à ces lieux. Tu es Seigneur à ces lieux. C'est toi qui es Dieu. Tu es Dieu. Tu as décliné ton identité comme le Dieu tout-puissant, l'ancien des jours, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu, le Dieu qui ne se rétracte pas, le Dieu qui n'abandonne pas l'œuvre de ses mains, le Dieu qui commence une œuvre et qui l'achève. Le Dieu qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Nous te glorifions, Yahweh. À ton nom soit la gloire. À ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis ta parole ce soir. Donne-nous Seigneur de te connaître. Nous voulons te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est présent. Et il est au rendez-vous pour un but. Et ce but, c'est toi ce soir. Tu peux te réjouir parce que tu es concerné ce soir. Dieu ne t'a pas tiré de là où tu étais la journée, juste en vain. C'est parce qu'il voulait atteindre un objectif et il l'atteindra. Amen. Amen. Amen. Amen. Si tu crois que c'est toi, tu acclames bien le Seigneur. C'est vraiment toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen. Le portrait d'un ciel ouvert sur un homme. Picha ya mbingu inayofunguliwa juu ya mwanadamu. Suite. Endelea. Vous êtes fatigué de ça? Meshachoka naye. Hein? On peut aller dans d'autres chapitres. Naweza enda ndani ya mambo mengine. Il faut qu'on épuise ça. Naomba tumalize hii. Et le Saint-Esprit est en train de nous drainer à sa manière. Et nous le bénissons parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi nous avons besoin. Vous savez, l'homme, quand il vient devant Dieu, la plupart d'entre nous, lorsque nous venons devant le Seigneur, il y a des situations. Nous avons un problème pour lequel nous voulons une solution. Mais il y a deux formes de solutions. La première, ou disons deux étapes de la solution. La première, c'est que quelqu'un a besoin que Dieu l'aide à comprendre son problème. Tu as déjà prié pour beaucoup de choses. Mais est-ce que tu comprends ce que tu pries? Souvent, nous ne comprenons pas notre problème. Il arrive même que Dieu répond. Mais comme tu ne comprenais pas ton problème, tu seras lent à venir témoigner. Parce que tu ne sais même pas si Dieu a déjà exaucé. Et donc, quand nous venons devant le Seigneur, nous avons soit besoin de comprendre notre problème, soit nous avons besoin de que Dieu donne la solution. Seigneur, soit donne-moi la solution, soit aide-moi à comprendre le problème. N'est-ce pas? Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole nous aide à comprendre le problème. Lorsque nous regardons le portrait de Jacob, quelqu'un est en train d'arriver à comprendre quelle est sa situation en fait. Je suis sûr que tu es en train de te localiser et de comprendre ce que tu dois vraiment demander. Et de réaliser quel est vraiment ton besoin. Et c'est pourquoi il faut écouter la parole de Dieu attentivement. Parce que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Si tu ne connais pas la vérité, même si on chasse les démons qui sont sur toi, les démons vont revenir juste quand tu sors là. Parce qu'ils comprendront que tu ne comprends rien. Et ils vont récupérer leur maison. Il est écrit quand vous chassez les démons, ils vont se promener pour voir où ils peuvent habiter. Et quand ils ne trouvent pas, quand ils ne trouvent pas de nouvelles habitations, ils reviennent vérifier si la maison est vide. Et quand ils trouvent que la maison est vide, est encore vide, ils vont chercher des renforts. Et puis ils reviennent renforcés. x7. En fait, ils trouvent 7 plus forts que eux. Et eux-mêmes, ils sont 8e. C'est une bonne dotation démoniaque. Vous voyez? Alors, hier, Jana, nous avons abordé les prévisions que Dieu met en marche Mungu anaweka lorsque il ouvre son ciel sur une personne. Wakati anafungua mbingu yake juu ya mtu. Et la première prévision Nous avons vu que c'était la localisation. La localisation. Et nous avons vu que c'est là où Dieu nous localise qu'il prévoit toute notre bénédiction. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de ça? Unakumbuka hiyo? Quand Dieu te localise quelque part, Mungu anapokuweka mahali fulani, ou quand Dieu te donne un espace quelque part, ama Mungu anapokupatia nafasi, nafasi fulani, quand Dieu te donne une terre quelque part, Mungu anapokupatia udongo nafasi fulani, il prévoit tes bénédictions là. Anaandaa baraka zako hapo. Il prévoit ta sécurité là. Il prévoit tes dotations là-bas. Et lorsque tu quittes sans autorisation cet endroit, l'échelle reste là. Et toi, tu pars sans l'échelle. Mais si Dieu t'autorise de te déplacer, lakini kama Mungu anakuruhusu, tu pars avec l'échelle, unaenda pamoja na et les anges continuent à monter et à descendre. Na malaika wanaendelea kupanda na kushuka. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je mko hapo. Je peux vous sentir? Naweza kuwaona. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu Natuliona, que Dieu ya kwamba Mungu, dit à Jacob, anamwambia Yakobo, la terre où tu es trouvé, tu t'es localisé, je te donne. Inchi ambao nakuwa juu yake, ninaikupatia. Bien que tu pars hata kama unaenda, pour fuir ton grand frère, ili umkimbie ndugu yako mkubwa, mais cette terre-là, lakini, je te la donne. Ninaikupatia. À toi et à ta descendance. S'il y a quelqu'un dans l'univers qui est assez sérieux dans ses responsabilités, c'est Yahweh. Je dis ceci. S'il y a quelqu'un, un personnage qui existe ou qui ait jamais existé et qui soit sérieux dans ses engagements, c'est Yahweh. Il a dit à Jacob, je te donne cette terre. Et Israël et sa, Jacob et sa descendance ont habité là. Et puis ils sont partis en Égypte. 400 ans ils sont rentrés. Ils ont vécu là-bas. Et puis ils sont partis en déportation. Après Salomon. 70 ans en Babylone. Ils sont encore revenus. Et ils sont restés là. Et quand vous lisez la Bible, après Malachie, il est parlé de 400 ans de silence. De silence prophétique. Où rien n'est écrit. Jusqu'au jour où Zacharie va dans les lieux saints et il attrape Jean-Baptiste qui va être le précurseur du Messie. Et puis le Messie vient avec Marie. Le Messie grandit. Il va à la croix. Mais avant cela, il fait une prophétie. Il dit détruisez ce temple. Et je vais le construire dans 3 jours. Et ils ont cassé le temple. C'est-à-dire par la mort. Et puis 3 jours après, Jésus apparaît. Et il le voit. Il est ressuscité. Mais avant ça, il leur a dit, oh, si toi aussi Jérusalem, si tu comprenais ce qui est attaché à ta vie, mais maintenant cela est loin de ta compréhension, parce que viendra un temps On t'encerclera des palissades. Ambapo watakuzunguka. Et il ne restera pas pierre sur pierre. Sur cette maison qui constitue ta joie et ton. Et 70 ans après, je vais dire à l'an 70, Jérusalem détruite et Israël chambardé dans le monde. Jusque récemment, à 1948, combien de siècles vous comptez là-bas? Combien de siècles? De l'an 70 à 1948. Et une prophétie était déjà dite. Une nation peut-elle naître en un jour? Et le prophète répond, il dit oui. Et une nation est née en un jour. Israël, dans une décision. Et ils sont rentrés en Israël, à Canaan. Dieu dit à Jacob, je te donne cette terre. Et il dit dans les versets suivants, je te ramènerai ici. Tu es en train de partir. Dieu garde parole, frère. S'il existe un fidèle dans l'univers, c'est Dieu. C'est pourquoi les choses que le diable t'arrache, si tu réussis à réattraper, le ciel ouvert, il te restituera ce qu'ont dévoré les sauterelles. Les choses que tu as manquées, les choses qui t'ont échappé, reviendront. Même plusieurs siècles après, tu seras peut-être plus là. Ce sera ta progéniture. Mais Dieu s'assurera qu'il est fidèle à ce qu'il a dit un jour. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque des paroles de Dieu sont prononcées, écris la prophétie. Relis-la chaque jour. Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi elle s'accomplira? Le Dieu qui a parlé est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Qu'est-ce qu'il t'a déjà dit, frère? Il t'a déjà dit quoi? Tu ne sais pas? C'est ça le problème. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Mais où es-tu? Il pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Adam dit, nous sommes nus, nous sommes partis nous cacher, on est dans la brousse. Où es-tu? Le ciel est ouvert au jardin d'Éden. C'est ici où je t'ai placé, Adam. J'ai ouvert ton ciel ici, mais tu es où? Je suis parti me cacher. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons mangé les fruits et nous sommes nus. On fait comment? Ok, j'arrive. Même quand on est péché, soubiache. Dieu dit, j'arrive. Et puis il les trouve. Et Dieu voit leur nudité. Et il dit non, on s'est débrouillé. On s'est débrouillé, on a coupé quelques herbes. On a mis quelques herbes. Il dit, mais ces herbes ont séché. Quel amour! Quel amour! Je t'aime plus que tout. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Regardez. Tazama. Adam, Adam, tu te caches. Unajificha. Tu es nu. Uko uchi. Hein. Et Dieu descend jusque-là. Na Mungu anashuka hadi hapo. Et il attrape un animal. Anatoa mnyama. Et il le couvre correctement. Anawafunika vizuri. Et il prononce des sanctions. Na ananza kutamka sasa ma. Je vous ai dit le lundi. Niliwaambia siku ya kwanza. Mais Dieu s'assure. Lakini Mungu anahakikisha. De prévoir une clause. Atayarishe kanuni moja. Dans les dernières phrases de la sanction. Ndani ya ile misemo ya mwisho ya malipizi. Et dit. Anasema. Ce serpent va te mordre. Nasema nyoka itakuuma. Il va t'écraser le talon. Atakuuma kwenye kisingino. Mais je prévois. Lakini natayarisha. Que ta descendance. Kwamba uzao wako. Va lui écraser la tête. Itamvunja kichwa. Jésus est fidèle. Seigneur, tu es très attentif. Bwana wewe ni mwangalifu sana. Même quand Dieu juge. Hata wakati Mungu anahukumu. Il est attentif. Anakuwa mwangalifu. Dans ce qu'il prononce. C'est pourquoi vous allez observer. Quand même tu es dans le péché terriblement. De temps en temps Dieu vient te voir. Et certains qui sont dans le péché. S'enorgueillent même. Vous dites, tu vois, Dieu est avec moi. Il m'a béni. Regarde ça. Regarde ça. Tazama hii. Regarde ça. Tazama hii. C'est Dieu qui m'a donné. Ni Mungu ndiye amenipa. Eh. Et tu es où? Na wewe uko wapi? Tu es dans le jardin d'Eden? Uko ndani ya bustani ya Eden. Tu es parti où? Umeenda wapi? Dieu est descendu te trouver là où tu étais. Mungu ameshuka kukukuta mahali. Mais tu fais comment? Na unafanya nini? On fait comment? Unafanya nini? Tu restes là ou tu rentres là où le ciel est ouvert. Ce soir, rentre. Rentre dans le jardin d'Eden. Tu es déjà habillé provisoirement. Et c'est provisoire. Sera complété un jour. Kwa muda siku moja itaenda Golgotha. Kwa Golgotha. Au final maidi ambapo anasema tout est accompli. Yote imekwisha. Tout est accompli. Yote imekwisha. Je vous ai couvert avec du provisoire. Niliwafunika ilikuwa kwa muda. Mais maintenant c'est fini. Lakini sasa imekwisha. J'efface. Ninavuta tes iniquités. Makosa yako. Jote. Et dans Hébreu, il est écrit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Dieu, tu es si gentil. Tu es si bon. As-tu déjà cessé d'être bon? Non. Jusqu'à ce moment. 16h30. Jusqu'à 16h30. Mpaka kwa saa 10 na nusu. Il est bon. Yeye ni mwema. Il est bon pour toi. Yeye ni mwema kwako. Sasa si uache. Na laisse abandonne. Suache bas. Abandonne maintenant. La patience de Dieu. Uvumilivu wa Mungu. Finit par avoir une fin. Inafikia mwisho. Et il est écrit. Et Dieu leur donne une force d'égarement. Afin qu'ils croient au mensonge. Et qu'ils soient jugés. Tu attends ça? Tu attends la force de l'égarement. Tu persistes dans. Tu t'es égaré facilement. Mais si tu attrapes la force d'égarement qui vient de Dieu, est-ce que tu vas t'en sortir? Tu pars pour Dibo. On va se raconter. On ne va plus se raconter. Mais au moins toi tu as une bonne histoire. Quand tu seras en affaire avec les autres, tu auras de belles histoires à les raconter. Chez nous à l'Arche. Alléluia. Nous au danser pour Dieu. Nous à l'Arche. Mais tu racontes à tes collègues de l'enfer. C'est un joli projet. Hein? Tu peux faire ce projet là. Enregistre bien. Si tu auras la chance, tu iras en affaire avec les notes de ces prédications. Et tu vas commencer à lire ça aux amis. D'ailleurs, on nous prêchait ceci. Et ce jour-là, je me souviens, c'était le 5. Le pasteur Stone avait parlé que quelqu'un risque d'aller en affaire. Oh, que je suis bête, quoi. Regarde, je suis vraiment en affaire. Vérifie si je suis en affaire. Dis oui, oui, oui, oui. Tu vois que tu brûles, non? Tu es vraiment en affaire. Est-ce qu'il y a une issue de sortie? C'est perdu. C'est définitif. Avec tes notes. Tes notes. Tu es dans quoi? Et hier, nous avons parlé de la localisation. La loi de la localisation. Dieu nous veut être là où il veut. Dieu prévoit un espace de manière multisectorielle. Ce n'est pas un espace seulement géographique. Mais c'est un espace aussi ministériel, social, scientifique, professionnel, et etc. Lorsque tu es dans un domaine scientifique que Dieu a tracé pour toi, tu vas prospérer là-dedans. Mais quand tu vas dans un autre domaine qui est loin de ton ciel ouvert, tu vas faire ça. Même au plan social, quand tu te lances dans un mariage, hors du ciel ouvert, tu vas regretter. Amen. C'est donc multisectoriel. C'est pourquoi nous devons rechercher la direction de Dieu en toutes choses. On ne vit pas vaille que vaille. On ne vit pas au gré du vent. Pourquoi la prière? Parce que Dieu a voulu que les hommes parlent avec lui et qu'ils obtiennent des directives de lui, des orientations de lui pour tirer le maximum des prévisions divines sur leur vie. Alléluia. Amen. La loi de la localisation. Alors aujourd'hui, Léo, abordons la deuxième prévision que Dieu révèle à Jacob. Nous sommes dans Genèse 28 toujours. Verset 13 et suivant, nous lisons. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel et Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et puis il dit au verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Amen. Dieu a annoncé la localisation à Jacob. Et maintenant, il lui annonce la fécondité. La fécondité. Uzazi. La loi de la fécondité. Sheria ya uzazi. Quand le ciel est ouvert sur toi, la fécondité est ouverte sur toi. Uzazi inafunguliwa juu yako. Et la fécondité est aussi multisectorielle. Na uzazi huu inakuwa nayo na viwango vingi. Dans le texte, ndani ya andiko hili, il est par la fécondité physique. Inaongelewa juu ya les fruits des entrailles. Je ne sais pas pourquoi Dieu a prévu qu'on en parle aujourd'hui. Mais je crois qu'il veut sortir quelqu'un de la stérilité aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, tu dis amen. Dieu veut te sortir de la stérilité aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu attends sa voix, crois. Et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Il dit, tu vas te multiplier comme la poussière de la terre. C'est une image de la plénitude de la fécondité. La plénitude de fécondité. La plénitude de la fécondité. Comme la poussière de la terre, ta descendance, évidemment, il n'aura pas un million de jumeaux en même temps dans son sein. Même le cochon fait jusqu'à 13, 14, 15. Et même nos mamans, on n'a pas encore vu celle qui a fait 30. Vous connaissez? Moi je connais la maman d'un ami, elle avait fait 16. Elle-même, 16. Et puis le papa a pris notre femme. Et l'ami là, il était de la deuxième femme. Mais la maman Kouloutou avait fait 16. Dites avec moi 16. Si Dieu donne 16, qui dit qu'il ne peut pas te donner aussi 16? Dans les mêmes ventres, 16. Nos femmes actuellement ne veulent pas beaucoup. Hein? Oh, inatosha, tatu, inatosha, ine, inatosha. Saba, inaisha tosha. Et le médecin les encourage, dit, attention, il vit mon toto à Saba, il vit maintenant que tu as à la namagumu. Et on fait peur. Bon, c'est vrai, il y a la responsabilité. Et puis on dit attention, tu mets 16 et puis il faut le faire étudier et puis, etc. C'est bien, toute cette sagesse là, c'est important. Mais la plénitude de la fécondité peut te rendre capable de mettre au monde pleinement. Que Dieu te donne les enfants au nom de Jésus. Que Dieu te donne la fécondité. En fait, quand tu te seras marié, pas maintenant, il ne faut pas aller faire les choses et puis dire le pasteur a prophétisé sur moi. Et puis je mets au monde déjà la una buana. Et puis tu n'as même pas de mari. Il faut que les kakilulu kakuye kwa kumukono. Il faut d'abord que la bague soit sur la main. Amen. Amen. Je réalise ce soir que beaucoup de couples pour lesquels nous avons prié longtemps, obtiennent leur exaucement aujourd'hui. Et si vous êtes là, saisissez la promesse. Parce que elle s'accomplira. Et la saison de son accomplissement a sonné. C'est aujourd'hui. Je le dis de la part de l'Éternel. Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Je répète, vous le verrez s'accomplir. Pourquoi tu m'as envoyé, Seigneur, dire ces choses à tes enfants si tu n'es pas prêt à les faire? Si ni tout peut micro basse. Je peux jeter les micros. Ni tout peut micro. Je jette les micros. Vous pensez que Dieu, il est un menteur? Alors reçois tes enfants à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. La fécondité, disais-je, est multisectorielle. Et dans beaucoup d'aspects, c'est le péché qui avilit la fécondité de beaucoup de gens. Au plan physique, il y a beaucoup de facteurs qui empêchent que l'on mette au monde, que l'on conçoive. Quelquefois, on conçoit, mais ça n'aboutit pas. Pour beaucoup de facteurs, des facteurs de maladie, des facteurs occultes, des facteurs physiologiques ou biologiques, ou des facteurs héréditaires aussi. Mais lorsque le ciel s'ouvre sur toi, les rayons solaires du trône de la face de Dieu, lorsque cela vient sur toi, ça traverse tous ces obstacles-là. Les sorciers de votre famille, ils ont fait des déclarations. Écoute-moi, frère et sœur, ces déclarations tombent caduques lorsque le Dieu des cieux livre sa face sur toi. Il y a des myomes, des fibromes, des hommes qui se sont entassés dans tes installations. Lorsque la gloire de Dieu, la face de Dieu s'ouvre sur toi, l'enfant va être conçu là-dedans. L'enfant va mettre à côté les histoires. L'enfant va... Quand on était en train de grandir, non? Sogea. Quand le katoto kataponda il est bilulu il est. Allez, sogea. Jusqu'à ce katato kandani. Et les doigts de l'Éternel est puissant même pour dissoudre ces choses-là. Dissoudre. Yeah. Bandogu. Si tu t'affoutes, tu m'affoutes basse. Cherchons ce Dieu. Qu'est-ce que tu peux encore chercher? Qu'est-ce qui est difficile pour Dieu? Il dit à Jacob, plénitude de fécondité. Plénitude. Dans la maison de Dieu, il est écrit dans Exode, 23, 25 et 26. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre eau, etc. Et il dit, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Et il n'y aura pas de femmes stériles dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la face de Dieu est dans la maison de Dieu. La face de Dieu est dedans. Seigneur, comme ta face est ici, à partir d'aujourd'hui, que les stériles, enfantes et allaites élèvent leurs enfants et marient leurs enfants. Après, ils ont été à couvrir pour 2 ans. Pas des enfants qui vont mourir à 2 ans. Des enfants qui vont grandir. Des enfants qui constituent la progéniture. Qui eux aussi vont mettre au monde. C'est-à-dire la stérilité s'arrête là. Oh, na mama angu alikuwa ka stérile. Na tate angu alikuwa ka stérile. Ma grand-mère était stérile. Apana. Non. Si katike pas les basses. Ça doit s'arrêter par là. Si chie pas les. Ça doit finir par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Et si dans ta famille, tu es jeune fille, et tu lis les choses pareilles dans ta famille, et ça constitue même la peur, quand tu attrapes un fiancé, tu te dis, ah, je vais l'accepter, mais mon famille est tout. Dans notre famille. Dans notre famille. À partir d'aujourd'hui, que cette affaire s'arrête au nom de Jésus-Christ. La plénitude de la fertilité. Dieu annonce la localisation, hein? Dieu annonce deux, la fécondité. La fécondité. Et là, c'est je parlais au plan physique. Parlons au plan intellectuel. Fertile là-dedans. Regardez un homme qui est très intelligent. Mais qui laisse le péché entrer dans sa vie. Et il revient à la maison. Il était à la vallée de l'homme de la mort. Il a couché avec 2 femmes là-bas. Et puis il revient à la maison. Il a vidé l'argent. On les a payés hier. Parce que alihonga ule une partie. Akahonga na ule une partie. Mais la deuxième là a volé le reste. Elle est partie avec. Ayo kuzidai. Chakizidai, la femme là, elle va crier, elle va dire, je vais mettre sur Facebook. Facebook. Et le pauvre papa, il rentre à la maison, la queue entre les pattes. Malheureusement, quand il y a des événements comme ça, katoto kale kanala mukia kukonga kumulango ya baba. L'enfant va venir bali, sur la porte bali, du papa. Bali ni fukuza. On marche à seyer à l'école. Ça kanamaliza, kengine kanakuya. Kanasema uniforme li pasuka hapa. L'uniforme est déjà abîmé ici. Na kengine kanatoke. L'autre vient. Kanasema bike liisha. Yo non, mon silo est terminé. Mais le pauvre papa n'est plus à mesure même de trouver le bic. Lakini baba huyo. Il y a 200 francs. Ana hata tena uwezo wa kupata hata kalamu. 200 francs. Kalamu ya et pour faire le papa, il se fâche. Dis, vous deux, ton capale, Akili Sharibika, Zambi Naribi Shakili. Le péché a vili l'intelligence. Anajitombokesha. Commence à gronder. Et le les enfants partent courant. Sauf qui peut, le danger vivant. Il y a un lion dans la chambre de maman. Un lion rugissant. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Le péché détruit la fertilité. Le péché est mauvais. Les gens, quand il est rentré le soir ou vers le matin, c'était des explications incohérentes. Prenez seulement tout ce qu'il a enregistré. Elle et maman, prenez l'habitude d'enregistrer. Faites ça. Quand monsieur commence à parler, cliquez seulement. Et quand l'alcool va finir dans la tête, donnez-lui son discours. Faites-lui entendre les incohérences. Les incohérences. Il a commencé par tel sujet, après s'est contredit, et puis il a dit j'étais au bureau, et puis il a dit j'étais avec les amis, ensuite il dit j'étais au deuil, et finalement il dit ma mère m'a appelé. Et quand il constate qu'il n'est pas toujours convaincant, il dit, on m'a volé le salaire. Et toute cette nuit, j'étais en train de poursuivre ces voleurs-là. Tu poursuis les pauvres voleurs à la vallée de l'homme de la mort. Incohérent. Intelligence inapunguka. L'intelligence descend. L'intelligence descend. Les gens prétendent que quand ils vont dans l'occultisme, ils deviennent intelligents. Vous rencontrez des hommes qui vous disent avec un français correct. Ils vous disent c'est la science. Hein? Ça, c'est la science. Tu vois, non, mais tu es intelligent. Ok. Sawa. Donc toi tu es déjà intelligent. D'accord. Sawa. Mais quel est cet homme intelligent qui doit aller passer sa nuit au cimetière? Dans le froid. Les moustiques les piquent. Il sait que les moustiques transportent la malaria. Tu fais quoi au cimetière? C'est la science? Tu fais la science? Non, tu vois, quand on vient de là, il y a les grades augmentés. Hein? Les grades augmentés. Et puis ceux qui sont les plus malheureux, c'est ce qu'on appelle féticheur, marabout, toutes ces choses-là. Il est dans une. Et puis il met des trucs et commence à vous faire peur. toi, tu veux me donner l'intelligence? Qui tu vas pas? Vous savez, quand vous allez chez ce genre d'hommes, ils essaient d'imiter ce que Dieu fait. Ce qu'on a vu, Dieu s'identifie. Dieu décline son identité. Dieu dit qui il est. Les féticheurs, quand vous venez chez lui, il essaye lui aussi de vous dire qui il est. Ah, il fait des artifices. Déjà, la maison où il se trouve, pour entrer, on dit, ok, vous vous mettez à genoux. Et pour vous entrer à genoux. Ah. Et quand vous arrivez dedans, lui-même, il est habillé de manière terrible. Vous vous demandez, il n'a pas d'habit? Ou qu'est-ce qui lui arrive? Et il vous justifie, dit ça, c'est la tenue de service. Ça, c'est ma vase à case. C'est ça ton uniforme. de service. Mavazi ya kazi. L'uniforme de service. Mais les autres, lakini wengine, ils sont propres. Wako safi. Ils roulent carrosse. Wanatembea ndani ya magari nzuri. Mais regardez-les attentivement. Lakini muwachunguze kimakini. Vous allez voir et constater. Utagundua. Akilisha poromoka. L'intelligence n'est plus là. La fertilité intellectuelle. La Bible dit que Dieu est le Dieu de la science. La science est trop auprès de Dieu. En fait, c'est Dieu qui engendre la science. C'est lui qui agende l'existence. C'est lui qui conçoit comment les choses se composent. Notre frère nous a écrit sur l'ADN. Et il faut acheter ce livre. Simam, bakutafut. Simam. Ton talent, ton ADN. Il a écrit ça. Bangai Bacha, vous avez le kitab. Combien ont déjà acheté ce livre? Attends, moi, Aïk. 1, 2, 3. Cela, on a ça, ça. Akilipi a un étage kuikulisha. L'intelligence a besoin d'être nourrie. Tous évitabou. Achetons le livre. Natuvisons, mais. Et lisons-le. Il y a un mal ici. Kuna, les gens ne veulent pas lire. Hein. Kuna magumu hapa, watu wapendi kusoma. Et on a. Même quand vous êtes étudiant, hata wakati unakuwa msomi, vous n'aimez pas lire. Mwanafunzi haupendi kusoma. On lit pour aller faire l'interro. Unasomaka siku utakuwa na mashindano kesho. Ama mtihani. Vous voyez ça? Unaona hii? C'est de la fertilité intellectuelle ça. Hii ni uzazi kabisa wa kiakili. Je disais frère sœur. Nilikuwa nikisema ndugu. Dieu, Mungu, est celui qui agende l'existence. Yeye ndiye anayeza kukua. Maintenant, l'existence est composée de formules. Quand tu prends l'être humain et tu analyses son corps, tu vas trouver que c'est de la science élevée. Donc, si dans ta science mystique, on veut te prétendre que le diable va t'aider à être intelligent ou avoir la science, on te trompe. Si ces gens sont honnêtes avec toi, ils n'ont qu'à te montrer le vrai chemin, le chemin de Dieu. C'est Dieu qui est le maître de la science. Tu veux la science? Va chez Dieu. C'est lui qui a composé l'existant. Donc même si tu es intelligent pour dire j'ai inventé, j'ai découvert, tu as découvert les choses, la science de Dieu. On peut acclamer Dieu. Tout ce qu'on appelle découvert. Tout ce qu'on appelle découvert. Sont des découvertes, des accès, ce sont des accès à la science de Dieu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. La fécondité uzazi intellectuelle. Wa kiakili. Et tu vas continuer le devoir à la maison pour méditer sur les autres fécondités. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dieu dit à Jacob, Mungu anamwambia Yakobo, je te rends fécond. Ninakufanya uwe na uzazi. Au point que tu vas t'étendre à gauche, à droite, au nord, au sud, partout. Comme la poussière de la terre. Kama vile mavumbi ya dunia. Et tu reviendras ici. Na utarudi hapa. Et jusqu'à présent, na mpaka sasa, Israël est là. Israël iko kule. Le peuple, la descendance de Jacob est là. Wazazi wa Yakobo wako kule. Quand même les autres nations voisines, adverses, hata kama majirani mengine ambao promettent quotidiennement, on va vous supprimer, on va vous supprimer, on va vous supprimer. Un jour, j'ai parlé avec un monsieur à la mer morte. Et il raconte la guerre de 6 jours. Comment ça s'est passé? Et il dit, nous étions déjà foutus. L'ennemi qui venait d'en face était déjà partout ici. Ils avaient déjà mis des mines partout. Et nous, on était coincés, entourés. Et puis il dit, ce qui s'est passé, Dieu est venu intervenir. Il a fait quoi? Il a envoyé un tourbillon. Un tourbillon qui a déterré les mines. C'est un tourbillon terrible. Vous voyez le Kaburungu. Vous connaissez ça, hein? Qui déterre les choses. Et quand ça les déterre, ça explose. Et puis c'est fini. Et puis leurs chars et leurs armes étaient renversés par Dieu. Le doigt de l'Éternel est venu là-dedans. Et quand c'est fini, quand ils se sont rendus compte que ça c'est le doigt de l'Éternel encore, parce que ce n'est pas la première fois que le doigt de l'Éternel vient. Balitawanyika. Ils ont fui. Et le peuple a récupéré ses terres. Dieu dit à Jacob, tu reviendras ici. Écoute, frère et soeur, lorsque tu es dans ta localisation, Dieu, avec toi, avec son ciel ouvert, son ciel ouvert, il y a des choses que tu peux appeler. Et personne ne va te résister. Il y a des choses que tu peux vivre. Parce que Dieu se souvient de son alliance. Dieu se rappelle de la parole sortie de sa bouche. Il y a certains miracles que certaines personnes vivent. Non pas parce que c'est du nouveau. Mais parce que Dieu se souvient qu'il avait dit. Dieu se souvient qu'il t'avait tracé un terrain. Dieu se souvient qu'il a, il avait dit, j'ouvre mon ciel sur toi. Je te donne espace. Je te donne fécondité. Et troisièmement, il lui donne responsabilité. Il lui dit, dans le même texte, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Responsabilité. Mission. Messie. Pourquoi tu as besoin d'enfants? Pour faire quoi avec? Mission. Responsabilité. Messie. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. En effet, quand Dieu trouve un homme, une femme, qui comprend ce que Dieu essaye de dire, qui comprend en quoi Dieu est en train de parler et d'opérer, il lui confie responsabilité. Alléluia. Amen. On va offrir à Dieu entre-temps. Il lui confie responsabilité. Lorsque Dieu trouva Abraham, dans Genèse 12, 1, 2, 3, 4, il lui confia cette mission. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et il répète ça à Jacob. Dieu, lorsque il t'ouvre une porte de son ciel, Dieu est conscient qu'il y a beaucoup de richesses dans ce qu'il fait avec toi. Et il ne voudrait pas que tu consommes ça toi seul. Kwamba ukula ayo wewe mwenyewe. Ambia mwenzako usikue nakula wewe peke. dis à ton prochain, ne mange pas seul. La Bible dit tout don excellent, toute grâce excellente vient de l'Éternel, du Dieu de lumière, en qui il n'y a ni ténèbres ni ombre de variation. Ça vient de l'Éternel et ça constitue une mission, une responsabilité. À ce moment, nous disons, Seigneur, ouvre ton ciel sur moi. Mais as-tu pensé que tu es en train en même temps de dire, Seigneur, donne-moi une responsabilité. Quand Dieu se permet d'ouvrir son ciel sur toi, sache qu'il vient de te donner une responsabilité. Dieu est en train de dire à Jacob, voici ce que je ferai, voici ce que je ferai, voici ce que je suis, voici, mais il ajoute, tu deviendras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Lorsqu'il trouva Saul de Tarse, dans Actes chapitre 9, verset 15, il lui confia une mission, une responsabilité mondiale. Quand il a trouvé Abraham, il lui a confié une responsabilité mondiale. Quand il trouva les apôtres, Matthieu 28, 18 à 20, quand il trouve les apôtres et qu'il va leur offrir son ciel ouvert, responsabilité mondiale, faites de toutes les nations mes disciples. Et quand il trouve les archois, il fait comment? Hein? Quand il trouve les achois, quand il trouve les achois, il dit quoi? Lumière des nations, portée de salut aux extrémités de la terre. Déjà, cette mission-là peut te dire, je reste ici. Parce que là où il y a une mission mondiale, Dieu est obligé d'ouvrir suffisamment le ciel là-bas. Dieu est obligé de libérer suffisamment de produits et de dotations. Dieu est appelé à envoyer suffisamment d'anges qui vont monter et descendre. Dieu est appelé à garantir les choses. Parce que la responsabilité est lourde. Responsabilité. Dieu va ouvrir son ciel sur quelqu'un. Sache qu'il t'annonce la responsabilité. Vous avez observé ceci dans la jeunesse. C'est un frère. On lui dit, pourquoi tu étais marié? Tu vois, pasteur, donc, Paul avait dit, hein, sinon on va brûler là. Et après, après avoir été éteint, kisha kuzimishwa, on fait comment? On assume la responsabilité. Bon, asifiwe. Amen. Eh, les sœurs. Vous avez prié, Dieu donne-moi un mari, et il vous a dit, je te donne un mari. Et puis le mari ne vient pas. Et Dieu t'y est devenu menteur, il dit, non, non, je ne suis pas menteur. Mais il est en train de s'interroger sur toi pour dire, bon, maintenant tu es ma fille, oui. Est-ce que tu es prête à accueillir les membres de la famille qui vont vouloir venir habiter avec vous? Ou bien tu vas les taxer des sorciers. Alors, pourquoi ça traîne? Dieu est en train de te donner d'abord cette formation-là. Est-ce qu'il t'a pas encore exaucé? Si! Ça fait 2 ans. Aïcha, tu as vu. Et il a déjà parlé avec celui qui sera ton mari. C'est possible que celui-là est en train de souffrir à cause de toi. Il brûle aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Et c'est ce qui tâtonne sur les sœurs et les filles d'autrui quelque part. Et quand il essaye, la promesse que Dieu avait faite sur toi l'empêche. Et il chasse les démons. Il ne sait pas qu'il y a une promesse. Tu chasses la promesse. Mais la promesse est venue d'où? Tu as vu ça? Non. Dieu a libéré une promesse sur une fille quelque part. C'est elle ta femme. Toutes les autres initiatives ne vont pas marcher jusqu'à ce que ce garçon va venir te rencontrer. Mais tu fais traîner le fils d'autrui, ma soeur. Il suffit que tu comprennes la leçon. Et le garçon qui était à l'ouest, le Saint-Esprit fait les redirections. Il fait les redirections. Il fait les redirections. Et voici un autre frère vient d'arriver. Il a demandé la main. Et quand il parlait, un peu comme les disciples de Maus, mon cœur ne brûlait-il pas quand il parlait? J'avais même difficile de lui dire, donne-moi le temps pour aller prier. Je lui ai dit sans le savoir, d'accord. Or, c'est la réponse que Dieu t'a donnée il y a 3 ans. Parce que tu viens de comprendre. Dieu amène le monsieur. Et ça ne traîne pas. Je vais venir voir les parents. C'est mais tu es pressé, chunga kwanza. Vous qu'on a fait caprice. Chunga kwanza, pana. Non, il n'y a pas à attendre. Hey, c'est chunga kwanza. Attends d'abord. Et ça va si vite. Rencontrer en novembre. Mariage en janvier. Et enfant en septembre. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Vous savez, mes frères, beaucoup de choses que nous vivons dans la vie chrétienne ne sont pas toujours expliquées par « Oh Dieu, est-ce que tu ne me vois pas ?» La plupart des choses sont expliquées par la responsabilité. Dieu doit s'assurer. Jésus dit à ses disciples, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. La loi de la responsabilité. Même quand Dieu a déjà ouvert ce ciel, il veut s'assurer que vous avez compris la responsabilité afférente à ce qu'il veut faire avec vous. Bwana sifiwe. Amen. Dites à ton voisin, hein, c'est ma responsabilité. Dis à ton voisin, on est en train de parler de la responsabilité. J'aimerais te dire, ma sœur, la responsabilité ne consiste pas seulement à être présentable. Tu passes 3 heures pour être présentable avant de sortir. Commence à passer 3 heures pour vérifier qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque à moi? Ça va accélérer mieux les choses. Tu vas être présentable pour tout le monde. Sauf pour celui qui est mari de ta vie, parce que Dieu est en train de le retenir. Lui-même, Dieu lui-même le retient. Il peut même te rencontrer, te saluer. Mais il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Il te verra quand tu seras prête à la responsabilité. Pasteur a prié pour moi, ça fait 3 ans pour que j'ai un mari. Ça ne vient pas. Si j'ai comme un pasteur, je ne sais pas vraiment si c'est pasteur. Je vais chercher un autre pasteur. Kisha unaenda kuchumba maombi kule ngambo ingine. Kisha unaenda kumulima. Kisha unashuka mwingine chumba na kuchunda. Basi uko na mapepo. Shida ni gani? La loi de la responsabilité. Sheria ya jukumu. Est-ce que ulisha enea kusudi Mungu sasa ambie ule garso leta sonne. Est-ce que tu es déjà complète? Ili Mungu amwambie ule kijana. Akamata ule garso kushingo. Namkamata ule kijana kwa shingo. Viens ici. Garso iko naona macho kule. Kijana iko naona macho huku. Mungu iko anampeleka huku. Lakini Mungu anampeleka ngambo ingine. Na sana mufikisha. Et lorsque le garçon est arrivé, fille mwingine. Le garçon continue à voir ça Mungu anamfikisha asema nyonga. Il lui dit c'est celle-ci. Et puis c'est un miracle. Et tu vas dire à ta copine. Un miracle, c'est un miracle. Mungu amenitembelea. Dieu m'a visité. En fait, nani aliacha Mungu asikutembelea depuis longtemps. Qu'est-ce qui a fait à ce que Dieu ne te visite pas? Tu n'étais pas encore conscient. Ulikuwa hujakuwa na zamiri. De la loi de la responsabilité. Juu ya hii sheria ya jukumu. Tu naviguais dans des choses supplémentaires et superficielles. Ulikuwa naenda ndani ya mambo ya. Tu ne travaillais pas sur les choses fondamentales de la vie. Ulikuwa haujatumika juu ya vitu vya msingi. Les choses fondamentales. Vitu vya msingi. De la vie. Maisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ça c'est mon assez mon passé. On a tous semé à tous ces filles, tous semé à bas garçons. Et là les filles. Eh bah frère. La loi de la responsabilité. Est-ce que chacun est responsable? Est-ce que tu es déjà irresponsable? Parce que le mariage c'est une responsabilité. Ça c'est une peine. Mungu akupatie fille ou abat tout. Et tu veux que Dieu te donne la fille? Il y a quoi responsable? Alors que tu n'es pas encore responsable. Je viens de parler pour vous les sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les frères, la loi de la responsabilité. Wandugu, sheria ya jukumu. Et il en va aussi de certaines choses que nous cherchons, des choses grandes. Tu veux avoir un ministère puissant. Tu veux avoir un grand ministère. Mais est-ce que tu as déjà grandi? Parce qu'il suffit que Dieu augmente tout petit peu la dose de pouvoir et de gloire. Je veux dire de puissance. Basi tutakuona katene. On va plus te voir. Nani atakusalimia? Qui va encore te saluer? Qui va te saluer? Nani atakusalimia tena? Power. Uwezo. Ushakuwa power basi. Ushakuwa na uwezo basi. Inatosha. C'est suffisant. Musogeye. Ah. Musogeye. Musogeye. La loi de la responsabilité. Pourquoi Dieu augmenterait la puissance sur ton ministère? C'est pour te rendre beaucoup plus rentable. Rentable. Dites rentable. Rentable. Mais si tu n'as pas compris la responsabilité, la puissance en question, c'est une arme pour marcher sur les gens. En fait, pour les membres de l'église, j'ai vu quelqu'un en train de marcher sur... Que Dieu vous guérisse, allez, couchez-vous. Et les gens se couchent là devant. Et puis le pasteur vient monter sur eux. Il est en train de marcher sur eux. Pour dire pawa, pawa, pawa. Où qu'on a kanyanga banadam, oui. En train de piétiner les hommes. On a kanyanga banadam. En train de piétiner les hommes. Pawa. Parfois Dieu souffre. Mara nyingi Mungu kabisa anateseka. la loi de la responsabilité. Nous voulons que Dieu ouvre le ciel, mes frères. La deuxième loi, c'est la loi de la responsabilité. Regardez l'histoire d'Abraham. Abraham a eu un long parcours. Dans l'entendement de Dieu, Abraham devait faire connaître Yahweh à toutes ces nations par lesquelles il est passé. La descendance d'Abraham avait la charge de faire connaître Dieu partout là-bas. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait efficacement. Dieu est devenu le sujet d'orgueil de la famille d'Abraham. Notre Dieu. Vous voyez? C'est notre Dieu. Mon pime. Je vais vous appeler notre Dieu. Ta malise. Et il va vous exterminer. Est-ce que c'est ça le but? Le but, c'est que tu me fasses connaître à ce peuple-là. Le but, ce n'est pas que tu te démontres devant ces peuples, mais que tu me fasses connaître à ces gens-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Mungali hapo. Ok, levons-nous, on va prier alors. Nous avons parlé de la fécondité. Et nous avons parlé de la responsabilité. Et nous avons parlé de la loi de la localisation hier. Nous voulons prier à ce moment. Quel est le domaine dans lequel tu te sens stérile? Nous allons prier pour ça. Quel est le domaine dans lequel tu sens que la responsabilité n'arrive pas à prendre place dans ton cœur? Nous allons prier pour ça. Et puis nous allons demander à Dieu d'ouvrir ce ciel sur nous. Donnez-nous un cantique, on va chanter un peu. Et puis on va prier. Alléluia. Amen. Chacun se concentre devant Dieu. Nous chantons ces cantiques avec une conscience. Oui, tout s'arrête. Il y a ton feu. Bien-aimé, on va prier ensemble. Wapendo tutaomba pamoja. Tu vas lever la main devant le Seigneur. Utanyosha mkono mbele ya Bwana. Comme disant, oh Dieu, ukisema, hey, Mungu, je lève ma tête vers toi. Nanyosha mikono yangu. Toi qui ouvres le ciel. Unaifungua mbingu. Me voici aussi ce soir. Nitazame mimi jioni ya leo. Je suis venu. Nimekuja. Pour expérimenter le ciel ouvert. Ili niishi mbingu inayofunguliwa. Dites Seigneur mon Dieu. Sema Bwana Mungu wangu. Je viens à toi. Ninakuja kwako. Tel que je suis. Jinsi nilivyo. J'ai compris. Nimeelewa. Que j'ai besoin de ton ciel ouvert. J'ai compris, Seigneur, la loi de la fertilité, de la fécondité, la loi de la localisation et la loi de la responsabilité. Ce soir, je m'approche de ces lois. Et je te prie, tiens-moi la main et amène-moi dans ces lois. Mon Dieu, depuis l'éternité, tu m'as connu, tu m'as établi pour jouer un rôle dans cette génération. Et tu m'as placé quelque part dans un domaine. Tu m'as placé à Goma. Comme territoire, tu m'as placé quelque part au plan intellectuel et scientifique, quelque part au plan social et marital, quelque part au plan professionnel. Mon Dieu, je veux être fertile. Je te prie, touche-moi. Touche mon système. Touche mon fonctionnement. Aide-moi, Seigneur, à croître dans ta science, à croître socialement, à croître professionnellement, à croître dans le ministère. Saint-Esprit, rends-moi fécond. Rends-moi fécond. Et pendant que nous demandons ça, si tu es le cas de la fécondité physique, tu ne vas pas demander à Dieu de te rendre fécond. Tu vas saisir la promesse qu'il nous a fait cet après-midi. Et le reste, nous serons en train de prier selon les domaines que nous connaissons. Où nous avons besoin de la plénitude de la fécondité. Prions le Seigneur. Demande la plénitude. La plénitude, la fécondité. Isaka makaroje kaloza. Yakababo sheterekosa ilugasa. La plénitude de la fécondité. La plénitude de la fécondité. La plénitude de la fécondité. La plénitude. Dieu est en train de faire les affectations de ses anges. Pour installer ta procréation, pour préparer le terrain pour les enfants que tu dois mettre au monde à partir de maintenant. Et les anges de Dieu descendent, les anges de Dieu viennent, les anges de Dieu exercent un ministère sur toi. Les anges de Dieu exercent un ministère sur ton ventre. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas, les anges de Dieu sont en train d'exercer un ministère sur ton ventre, mari ou femme. Les anges de Dieu sont affectés ce soir par Yahweh pour te contraindre à mettre au monde, pour organiser ta conception. De la conception à l'accouchement, que le trône libère ses anges. Le trône libère ses anges. Le trône libère ses anges pour installer les dispositifs les dispositifs de la conception, les dispositifs de la fertilité, les dispositifs de la sécurisation, de tes entrailles. Il les sécurise. Les anges sont venus. Les anges sont venus. Il cercle le terrain. Il laboure le terrain. Les anges, il laboure le terrain. Au nom de Jésus-Christ. Jacaba Yakoreba Baba. Shintara Koterezi Kalia. Korebo Shaya Gelasa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, yes, kete kola boshaya, kere yabasa tarabasa, shikara masete rakolaza, iyo salugesa igedaketa. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, receive it in the name of Jesus, get it in Jesus' name, get them in Jesus' name. Get them in Jesus' name now, from today, in the name of Jesus. From today, in the name of Jesus. From today, in the name of Jesus. Lord, come in. Lord, do it. Lord, Lord, Lord, release. Lord, make it come in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Father, we call on your grace. We call your grace today. We call your grace. Nous appelons ta grâce ce soir. Nous appelons